difficile trop fort. Mémoire éclair, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul. Tu prends ton odeur, ma personne, mon lit, mon cœur. Laisse-moi me déshabiller de toi. Charme-moi par ton absence, séduis-moi par tes silences. Intrigue-moi, mais à distance, ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul. Laisse-moi me retrouver, laisse-moi me faire la cour. Laisse-moi mes peurs, ne me quitte pas, mais laisse-moi. Laisse-moi me faire la cour. Mais tu me connais la cour. Laisse-moi mes peurs, ne me quitte pas. Mais laisse-moi. S'il te plaît, ne me soupçonne pas. S'il te plaît, ne m'interroge pas. S'il te plaît, ne te fais pas de mauvais sang. Simplement question d'espace. Simplement question de moi. Seul ce soir, ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul. Laisse-moi seul, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul. Laisse-moi seul, laisse-moi seul ce soir.